L'Amazone russe par Octave Ferré. À la suite de l'armistice forcé, qui avait ralenti durant l'hiver exceptionnellement rigoureux de 1854-55 les opérations militaires en Crimée, les généraux alliés songèrent, dès le retour du printemps, à regagner le temps perdu. Les hostilités reprirent avec une ardeur qu'elles n'avaient pas encore atteinte, grâce aux renforts expédiés de France et d'Angleterre, et par suite aussi du souvenir cuisant des maux endurés et des sacrifices humains accomplis sous ce climat plus meurtrier que la mitraille et les boulets. Chaque régiment avait des officiers à venger, chaque soldat avait les mains d'un camarade à satisfaire. Il est désormais incontestable que l'ennemi guerroyant dans son pays, abrité derrière des citadelles, caserné dans des forts réguliers, avait beaucoup moins souffert que nous, et que par sa durée et ses catastrophes, ce siège dépassa les plus terribles et les plus héroïques. Un de ses côtés caractéristiques et singuliers fut aussi la présence de jeunes femmes intrépides et dévouées dans le camp français, mais en plus grand nombre encore, dans celui de nos alliés et de nos adversaires. Leur rôle ne se bornait pas à regarder passivement ces luttes formidables, ni à distribuer leurs soins aux blessés. On les vit plus d'une fois prendre part au combat, et l'héroïne de cette authentique anecdote est certainement présente au souvenir d'un grand nombre de nos braves soldats. C'était une grande et belle fille, aux yeux bleus, ardents et expressifs. Le ciel du Nord avait prodigué sur son teint les roses blanches légèrement nacrées d'un carnat, qui croissent au pied de ses montagnes. Sa taille souple et mince comme un roseau n'excluait ni la force pour résister à la fatigue, ni l'énergie pour manier une carabine charmante attachée à la selle d'un fougue cheval tartare, qu'elle maîtrisait comme si les rênes n'eussent été qu'un fil de soie entre ses mains. Jamais, en effet, on ne l'apercevait autrement qu'à cheval, amazone hardie, franchissant toutes les limites, se riant des cris des sentinelles moscovites et s'avançant comme pour les braver à portée des mousquets des tranchées françaises. Il est vrai que ceux-ci n'avaient garde de lancer leurs balles sur une si ravissante ennemie, et que le désir des plus méchants allait seulement la faire prisonnière, ce qui, après tout, rentrait dans le caractère essentiellement chevaleresque de nos compatriotes. Elle ne sortait pourtant jamais seule de la place. Un homme, d'un certain âge, à l'allure martiale, dont le visage sévère ne se détendait un peu que pour lui adresser la parole, l'accompagnait invariablement. C'était en dépit de ses remontrances qu'elle se lançait à l'étourdie dans la campagne, poussant des pointes périlleuses aussi près du camp allié, et ne revenant à côté de son mentor que quand elle voyait celui-ci prêt à braver pour la suivre les embrasures des travaux français, qui n'eût certainement pas observé envers lui la galanterie qu'il témoignait à la piquante aventurière. Évidemment, il s'agissait de personnages de distinction. Les honneurs rendus au vieillard par le factionnaire, le piquet de soldats qui l'attendait sous les remparts, détails que le peu d'éloignement des tranchées permettait de saisir, ne laissaient pas de doute à ce sujet. Mais la précaution imposée aux officiers russes de dissimuler leurs insignes s'opposait à ce qu'on reconnût le grade de celui-ci. Cependant, le cercle tracé autour de Malakoff et des fortifications du sud se resserrait chaque jour. L'expédition de la mer d'Azov avait rendu les communications de l'ennemi plus difficiles. Sébastopol commençait à s'inquiéter sérieusement pour sa subsistance. Il ne s'écoulait plus d'une semaine sans que le gouverneur fît évacuer un certain nombre de bouches inutiles, femmes, vieillards et enfants. L'Amazone seule tenait bon. Elle semblait ne circonscrire ses promenades qu'à son grand regret, et uniquement pour ne pas exposer son vieux compagnon. On lui avait tendu plus d'un piège. On avait essayé de la cerner, de la tirer dans une fausse issue, une fois même on avait tiré sur son cheval. Mais la monture et la femme possédaient à coup sûr quelques talismans. Ils passaient à travers les balles, ils franchissaient les fossés, sautaient par-dessus les hommes et regagnaient sains et saufs, se riant du danger, leur impénétrable citadelle. Dans ces instants d'aventure et de péril, la blanche fille du Nord devenait irrésistiblement belle. Ses joues s'animaient, ses yeux d'un bleu profond scintillaient d'orgueil et de raillerie, les longues nattes de ses cheveux blonds battaient sur ses épaules, et sa taille ondulait comme les épis sous le souffle du vent. Entre les compagnies des divers régiments qui s'étaient le plus piqués au jeu, le 18e de ligne en comptait une, qui avait promis de ne pas tenter sans succès cette chasse à la gazelle. Plusieurs jeunes officiers en faisaient une question d'amour-propre et dressaient leurs plans en conséquence pour leur premier tour de tranchée. Mais le sort ne favorise pas toujours la vaillance ni même la diplomatie, si bien qu'au jour fixé, le brave 18e ne se trouva pas en présence d'une Amazone, mais d'une formidable sortie de l'ennemi. Celui-ci avait reçu l'ordre de détruire, par tous les moyens possibles, les travaux avancés des assiégeants, travaux qui devenaient significatifs et faisaient réfléchir les ingénieurs russes, bercés jusque-là de la confiance que leur position était inexpugnable. Cette rencontre fut une des plus acharnées du siège. Mais quoique pris à l'improviste, les alliés conservèrent leur supériorité, firent des vides énormes dans les rangs des Russes et les repoussèrent en désordre dans la place. Tout ce que ceux-ci purent entraîner avec eux, en compensation de leurs pertes de tout genre, se borna à une vingtaine de prisonniers, dont quelques-uns étaient blessés. On sait que les Russes, tenant par-dessus tout à donner bonne opinion de leur prud'homie et à se disculper du reproche de barbares que l'Europe leur prodiguait, affectaient de traiter leurs prisonniers, et particulièrement les Français, avec une humanité qui touchait à l'hospitalité la plus empressée. C'était la contrepartie de 1812. Entre les captifs de cette journée se trouvaient deux jeunes gens, un lieutenant et un caporal, qui n'avaient fait aucune résistance, car le premier gisait grièvement atteint à la poitrine, sur le théâtre du combat, et l'autre, son ami d'enfance, son compagnon dévoué, s'était laissé prendre avec lui, au moment où il lui prodiguait des soins qu'il n'avait pas voulu interrompre. Les Cosaques, héros de ce fait d'armes, ne furent pas plus tôt rentrés dans la place que, fatigués de porter le blessé, ils le déposèrent le long d'un mur en attendant qu'il lui fût assigné un logement chez un particulier, car les hôpitaux n'offraient plus un seul coin disponible. Le pauvre jeune homme serait donc resté là sans soins pour quelque temps du moins, si le caporal qui veillait sur lui n'eût rempli la tâche d'infirmier. Il le soutenait sur son genou, étanchait avec son mouchoir le sang de sa blessure, se faisait apporter de l'eau et lui en baignait les tempes. C'était la sollicitude d'un frère et non les égards d'un inférieur pour son chef. Tout à coup, il se retourna au bruit d'un dialogue engagé entre un personnage qu'il reconnut pour le vieillard, qui accompagnait d'ordinaire l'Amazone, et un sous-officier cosaque. Ces personnages s'exprimaient en russe, mais au ton rude du plus âgé, à l'attitude respectueuse du second, il était aisé de comprendre que celui-ci s'excusait du délaissement où se trouvait le captif. Le doute ne fut bientôt plus possible sur cette explication, lorsqu'une voix jeune et fraîche, intervenant en très bon français, au milieu de ce croassement, s'écria « Vous n'avez pas un lit pour se blesser, dites-vous ? Eh bien, mon père, qu'on le porte à notre hôtel. » « Tu le veux ? » demanda le vieillard. « Je vous en prie, voyez comme il souffre. Soit, mais son compagnon. » Celui-ci, par son geste suppliant, avait déjà obtenu de n'être pas séparé de son malade. Mais ce qui égalait au moins pour lui ce bonheur, c'était sa surprise de retrouver dans les personnes qui allaient lui servir d'hôte l'Amazone, objet de tant de commentaires, et son cavalier fidèle. Il regrettait fort sans doute la blessure de son lieutenant et sa propre captivité. Mais ce coup du sort n'était pas une compensation à dédaigner. Il allait voir de près et connaître ce lutin, dont il conspirait la perte peu d'heures auparavant. Or, ce lutin se nommait Zarlota. C'était un cœur d'ange sous l'aspect le plus frivole, et de plus, la fille unique et fort riche d'un général, que l'exactitude de ce récit nous force de désigner seulement par l'initiale W. Elle n'avait pas 19 ans, et déjà elle prouvait les qualités d'une femme accomplie. L'hôtel n'était pas pour les deux Français une prison, mais un palais, où tout un monde de serviteurs s'empressait à les servir. Malheureusement, le lieutenant avait été atteint dans la région du cœur. L'un des chirurgiens prolongea de quelques jours son existence sans pouvoir le sauver. Le jeune caporal avait été secondé dans ses touchants efforts auprès de lui par la vigilance incessante de leur charmant ennemi, transformée en sœur de charité. Elle paraissait trouver une secrète satisfaction dans cette tâche, et durant les intervalles de crise du blessé, elle se plaisait à interroger son compagnon sur la France, sur ses usages, sur sa société, bien plutôt que sur son armée. Valentin Dutertre appartenait à une honorable famille de commerçants parisiens qui lui avait donné une excellente éducation. Il s'était engagé volontairement, entraîné comme tant d'autres par l'enthousiasme belliqueux qui s'était emparé des esprits. Il était rapidement devenu caporal et devait à la prochaine occasion passer sous-officier. Il s'exprimait agréablement et c'était de plus un fort beau garçon auquel un peu de crânerie essayait à merveille. Il commençait à concevoir une opinion assez favorable de la Russie et surtout des Russes lorsque, dans une convulsion suprême, son ami lui fut enlevé. Ou alors il oublia vite ses velléités de concession et ne trouva plus que des paroles de malédiction et de haine contre un pays qui moissonnait nos meilleurs, nos plus généreux enfants. Mais, tandis qu'il s'abandonnait à l'amère expansion de sa douleur, il entendit un léger mouvement et aperçut Zarlotta qui fixait sur lui ses grands yeux remplis de reproches. « Ne maudissez pas ce pays, caporal, lui dit-elle avec une touchante gravité, car vous y avez trouvé des amis, et lorsqu'il pouvait vous garder captif, il vous rend la liberté. » Elle lui tendit en même temps un ordre du gouverneur, obtenu sur les instances de son père, et qui l'autorisait à quitter la citadelle. Il ne trouva pas de réponse à tant de générosité, mais, s'inclinant sur la main qui lui offrait la liberté, il y déposa un baiser que vint mouiller une larme. Le soir, on enterra le lieutenant, et Valentin regagna le camp allié, sans avoir osé demander une dernière audience à ses hôtes. C'était l'effet de la crainte, de l'émotion, d'un autre sentiment peut-être qu'il redoutait de laisser deviner. Comme ce n'est pas ici une relation du siège de Sébastopol, on nous permettra de passer par-dessus les événements militaires qui suivirent cet incident et d'arriver dans cette ville le lendemain de la prise de Malakoff, c'est-à-dire alors que les Russes, forcés de traverser la baie à la hâte, abandonnaient les habitants non militaires à la colère ou à la générosité des vainqueurs. Rien ne parviendrait à exprimer le désordre, la confusion, le tumulte qui régnait au milieu de cette cité, naguère si brillante, alors aux trois quarts ruinée. À chaque instant, c'était un édifice qui achevait de s'écrouler, une mine qui faisait d'explosion, des crevasses qui s'ouvraient sous les pas. Hommes, femmes, chevaux, bagages et armes, tout n'offrait plus qu'un pêle-mêle inextricable. Un détachement de soldats de divers régiments avait été envoyé pour fouiller les maisons et enlever ce que l'on trouverait de plus précieux. Des prescriptions leur avaient été données pour user de toute la prudence compatible avec les dangers de cette visite et pour se rallier rigoureusement au premier signal du clairon ou du tambour. Un jeune sergent du 18e, dont les galons étaient tout frais encore, avait traversé plusieurs rues, un homme qui connaît la localité, et n'avait pas tardé à pénétrer dans une maison qui, mieux construite que celle des alentours, avait éprouvé peu d'atteinte et dont l'apparence luxueuse attirait déjà la convoitise de certaines bandes de pillards, où l'on eût surtout trouvé des Grecs et des Juifs. Quelques-uns de ces misérables n'avaient pas tardé à devancer le sergent, dans lequel le lecteur a reconnu sans peine notre ami Valentin, et leurs mains à vide arrachaient les tentures, dérobaient des bijoux, sans qu'il parût s'en soucier, quand un cri aigu le pénétra jusqu'au fond de l'âme. Il bondit du côté d'où venait cet appel désespéré, serrant avec force le canon de son fusil, et soudain, une jeune fille, s'échappant des mains des vampires qui essayaient de s'emparer d'elle, tomba suppliante et perdue à ses pieds. Plusieurs Grecs, tentés par les objets précieux que portait sur elle cette jeune fille, firent mine d'avancer, mais il suffit à Valentin de les coucher en joue pour les mettre en fuite. « Arrière, tas de voleurs !» leur cria-t-il. « Le premier qui touche à mademoiselle est mort !» « Ne craignez rien, » ajouta-t-il, « je veille sur vous. »« Merci, » lui dit-elle, en levant vers lui son beau visage qu'il n'avait pas encore aperçu, mais que son cœur avait deviné. « Merci, monsieur Valentin. »« Zarlotta, » dit-il, « vous êtes sous ma protection. Levez-vous, on me tuera avant de vous approcher. »« Vous ne m'avez pas oublié, » demanda-t-elle, ravissante à la fois d'émotion, de tendresse et de douleur. « Oubliez, vous, mon bon ange !» « Eh bien, » reprit-elle en baissant les yeux, « ne m'abandonnez pas. Je n'ai plus personne au monde. Mon père a été tué dans la défense de Malakoff. Orpheline ? Orpheline et, sans vous, déshonorée peut-être. Rassurez-vous, vous retrouvez un ami dévoué, heureux d'acquitter une dette sacrée. » Prisonnière à son tour, Zarlotta accepta avec reconnaissance l'offre du jeune Français qui la conduisit au camp, car de l'effroi que lui causait la situation de la ville, elle ne voulait plus y rentrer. Cependant, et que le lecteur nous pardonne la simplicité de ce dénouement, nous le copions à peu près textuellement dans un récit de la campagne inséré dans le temps par la plupart des journaux. Cependant, Valentin, que cette aventure avait empêché d'observer la consigne, fut mis aux arrêts. La jeune Russe sollicita la faveur de l'accompagner, ne voulant plus être séparée de lui. Le colonel, surpris de cette affection extraordinaire, désira en savoir les causes, et dès qu'il les connut, il ne se borna pas à faire grâce au sergent. Il l'envoya avec Zarlotta au général Lefebvre, qui voulut à son tour entendre de la bouche même de la jeune fille ce récit merveilleux comme un roman. « La fille d'un général russe, dit-il à Zarlotta, aura toujours droit à la protection d'un général français. Je me charge de récompenser le sergent Valentin de sa loyauté envers vous. Maintenant, mademoiselle, parlez sans crainte. Que voulez-vous? Où désirez-vous être conduite ?» Valentin se sentit pâlir. Un rêve, entrevu un instant dans l'horizon du paradis, allait s'envoler pour toujours. La jeune Russe porta sur lui son regard plus tendre et plus pénétrant que jamais. « Général, dit-elle, on ne m'avait pas trop vanté la générosité française, mais je ne désire qu'une chose, acquitter moi-même une dette envers mon vainqueur. » « Et moi, interrompit celui-ci, je ne veux rien. » « Pas même ceci, dit-elle en lui tendant sa petite main délicate et blanche, toute tremblante d'émotion. « C'est trop de bonheur, s'écria-t-il en la pressant sur sa poitrine. « Mais, général, il faut votre consentement. » « Eh bien, répliqua le brave officier, j'entends l'écrire moi-même en signant au contrat. » Ainsi s'achève l'Amazone russe par Octave Ferré.